images des bons de France, paysages de mon enfance que j'ai oublié sous le poids des années, ou crayonné sur un bout de papier journal. Des allées en arrière, un dessin pour mon frère, un dessin pour ma mère, un dessin pour mon père. Rire d'une marinière. Je renais quand vient l'été, au soleil sans brûler. Qui se souvient des départs en vacances, de la France, c'était des années en arrière. Une photo de mon frère, rayée d'une. Tous les avions papier dans le ciel. France, paysage de monde.